qu'est-ce qu'il y a, gros? L'horloge tourne. L'horloge tourne. Je tourne en rond. Attends, je perds autant de temps. Qu'attends-je pour un rond? Je cours à l'ombre des secondes qui s'estompent. Les secondes qui se trompent. Nous détectent sur chaque tête. C'est des gosses. Je sens le temps qui passe. Les années ont frappé ma face. Je suis basané au plaza. On s'entasse comme des grains de sable et grimpe ça. Avant que cette dune se retourne, si sur mes joues et sous les bons colos. Coup de silence, on tourne. J'entends ces tic-tac. Ce putain de compte à rebours. On compte les jours en bateau sur les murs. Tu vois le temps en bas des tours. Tour à tour. Cette horloge m'étourdit. Je rentre dans le temps additionnel. Peur de ne pas avoir tout dit. Je reste en vie et je compare dès à présent. Ce chrono est plus tant pis. Il faut compter les grains restants. Je réclame une pause pour l'instant. L'instinct s'éteint, ma procédant. Je suis protestant dans ce monde de dingue. Car le futur c'est pour maintenant. Maintenant, car je vois plus les années défiler. La vie ne tient qu'à filer. La mort a déployé son filet. Ne pas effacer son passé. Le temps passé, je suis blasé. Englouti dans le sablier par mon phrasé à faire classer. Le marchand m'a offert un sablier en verre. Mais qu'en faire? On me dit laissez-les. C'est les leur enfer dans leur fer. Aucune action en né à leur mère. Si on m'avait dit que c'était dur de voir la mer dans les grains de mon passé. Se rappeler des mots passants quand on se fait du mauvais sens. Où l'on comprend le mauvais sens. On les imprègne un peu d'essence. Et qu'on en oublie la naissance. C'est impossible. Nous sommes déjà en état d'incandescence. Bientôt 20 piges que le compte à rebours est lancé chez ce qui m'attend. Car ce qui recoue nos cicatrices et les aiguilles avec le fil du temps. Je repousse le vice même si je sais. Je l'ai la rue et moi c'est trop bizarre. Car je la aime et je l'aime. Je suis trop speed, faut que je respire. Car j'ai trop de seum en moi. Je serai pas le pantin de cette société. Même si je me lève avec la gueule de bois. Depuis tout petit, les jeunes s'enlisent dans des. Sable mouvant, y'a que le vent qui balaye toutes nos traces. Sauf que mon cul sur un bon respo. C'est pose, t'es car à la base je cause pas. J'impose mon existence pour ça, je passe mon blaze au post-car. Dans le sablier, tes matins passent quand tu t'emballes. La vie t'embarque, le vice t'abat, mais tu t'emballes et plus t'embarques. Dans mon sommet, je m'efforce de le savourer jusqu'à la fin de mes rêves. Tu ne peux rien face au temps. Comme un temps passe, tu ne peux enfreindre les règles. J'ai la conscience tranquille car j'ai dit le principal. Dans le sablier, je suis venu mettre mon grain de sel parmi les grains de sable. L'horloge tourne, je tourne en rond. Attends, je perds autant de temps. Qu'un temps, je cours un rond. Je cours à l'ombre des secondes qui s'estompent. Les secondes qui se trompe. Nous détecte sur chaque tête, c'est des comptes. L'horloge tourne, je tourne en rond. Attends, je perds autant de temps. Qu'un temps, je cours un rond. Je cours à l'ombre des secondes qui s'estompent. Les secondes qui se trompent. Nous détecte sur chaque tête, c'est des comptes. Je parle si peu souvent, marre si peu entend. Mon phrase est sous le vent. Les foules attendent tant de temps. Les saouls et moi content. Je me contente de rapper sous le sens. Aucune aiguille me tente, pas montrer tant d'attente. Et moi qui parle dans les temps. Stop, moi, je te fous dans les temps. L'étendue des dégâts est embêtant. Les gens parlent mal, sont auto-entêtants. Résoudre le mal par le mal. Brûler les autres des gens, pas question que je perde mon temps. Ne fais pas de merveille, je me dis cette même phrase à chaque réveil. Ça me fout les nerfs quand je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait la veille. Sale, mine grisée, année 1664, une pâle vie de mine brisée. Où la belle princesse ici se cache. Et bientôt 20 balais, je suis sans pitié car pas de billets. J'ai pas vu le temps passer de l'époque où ma mère m'a habillé. Ma vie un sablier, on ne peut rien faire, non sois content. Je vois mal ma prochaine meuf devenir ma femme à 50 ans. Les minutes s'écoulent tellement vite quand je traîne au vizir. Ça passe si vite et parfois mon peu d'espoir s'écroule. Le temps, je veux pas finir mon temps dans un âge pourtant tout le temps, tout le temps. Je tue le temps avec un crayon HP. Crac, je crois que j'ai le mal de grandir. La déception n'a pas d'odeur, mais moi je peux la sentir. C'est dingue, on peut mourir en une fraction de mesure. En plus, au fur et à seconde, les années deviennent des partitions, c'est dur. Je veux en profiter quand je vois le temps partir. Me faire un max de gif avant d'être papy. Au cœur qui palpite et clap, c'est solo. Non, seul dans ma réflexion, la vie est courte et je compte bien marquer ma génération. L'horloge tourne, je tourne en rond. Attends, je perds autant de temps. Qu'un temps, je cours un rond. Je cours à l'ombre des secondes qui s'estompent. Les secondes qui se trompent nous détectent. Pour chaque tête, c'est le décompte. Je vois que le temps court. On part tous à ses traces, on s'empresse, on garde la foi comme Bettencourt. Je trace ma vie sur un bout de papier qui se déchire. Y'a papier, c'est dans le vide et réjouit des chiffres qui composent son espace-temps, décompose les grains de sable en tas sans mégas quand on pose. Ça la seconde, nos vices comptent et le vice comble. Nos heures perdues quand la police contrôle, c'est dur mais on tempère. On se trempe, c'est la tempête. Cette pantraide m'empêche de voir qu'à tant de traîtres, on perd nos temps à stagner dans le présent. Les erreurs du passé viennent gazer ton air. Chant que c'est l'heure pour une nouvelle ère. On arrive à toute allure, tu repères ses proches, sera tout à l'heure. Le sablier est loin de rendre son tablier. Tant qu'il y a pas le taille, mon rap, on se fait pas prier. Et pendant la bataille, on laisse passer des tas d'images. Mort comme un dimanche ou comme à l'abattage. C'est cette entité qui façonne notre identité. Pendant qu'on tombe en petite quantité.